Le respecté camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté les exercices de lancement de fusées balistiques des troupes d'artillerie façon des forces stratégiques de l'Armée Populaire de Corée, avec des cadres responsables du Comité central du Parti et des cadres du secteur des recherches scientifiques pour la défense nationale. Aux exercices, on prépare les troupes d'artillerie façon des forces stratégiques de l'armée populaire de Corée chargées de la mission de frappe des bases des troupiers américains dans la zone d'opération du Pacifique en cas d'urgence. Les exercices sont destinés à réexaminer la crédibilité, y compris la stabilité de vol et la précision de téléguidage des fusées balistiques aux performances améliorées qui sont disposées pour la bataille et à estimer la capacité de combat des troupes d'artillerie façon. Arrivé au champ de lancement, le maréchal Kim Jong-un s'est informé en détail du programme des exercices et des éléments tactiques et techniques des fusées balistiques dont on a amélioré les performances avant de donner l'ordre de commencer les exercices aux commandants des forces stratégiques. Au bout des exercices, la capacité de gestion des fusées des troupes d'artillerie façon et les performances de combat des fusées balistiques sont estimées impeccables. Le camarade Kim Jong-un a félicité chaleureusement les artilleurs qui ont participé aux exercices, très satisfaits des exercices de tir continu de fusées balistiques qui ont réussi sans aucun faute. Il a souligné qu'il faut multiplier des succès prodigieux du renforcement des forces armées nucléaires remportés successivement cette année historique qui a marqué le début solennel par le premier essai de la bombe à hydrogène de la Corée du Sud et préciser les tâches de programme posées pour renforcer sur tous les plans nos forces armées nucléaires en vue de porter la dissuasion militaire à un stade plus supérieur.